cours numéro 28. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Qala al-allama al-shaykh Sa'di rahimahullahu ta'ala wa min lutfillahi bi'abdih. On continue la lecture de هذا الفصل في تفسير اسم الله عز وجل اللطيف. الشيخ سعدي رحمه الله إلى كلام مفيد جدا في رسالته القيمة المواهب الربانية المحقق الذي جمع كلام الشيخ سعدي لا سته هنا والله الحمد استفدنا كثيرا dans les deux cours précédents. هنا c'est aujourd'hui والله الحمد c'est le troisième. Et الشيخ رحمه الله il a cité beaucoup d'exemples. قوله ومن لطف الله ومن لطفه. Et il montre des معاني عظيمة et des exemples clairs. أن الله سبحانه وتعالى il est لطيف في العباد. قال ومن لطف الله بعبده قدر الواردات. نعم كانه قدر الواردات الكثيرة والأشغال المتناوية والتدبيرات. نعم كانه قدر أو قدر ينظر. قال الواردات الكثيرة والأشغال المتنوعة والتدبيرات والمتعلقات الداخلة والخارجة التي لو قسمت على أمة من الناس لعجزت قواهم عليها أن يمن عليه بخلق واسع وصدر متسع وقلب منشرح بحيث يعطي كل فرد من أفرادها نظرا ثاقبا وتدبيرا تاما وهو غير مكترث بالتاء ثم ثاء. قال ولا منزعج لكثرتها وتفاوتها بل قد أعانه الله تعالى عليها. هذا من لطف الله عز وجل أن الإنسان أحيانا إلى السل وله أشغال كثيرة كما قال الشيخ رحمه الله beaucoup de choses في داخل البيت في خارج البيت ربما المسؤولية avec sa famille, avec sa femme, avec ses enfants, avec ses proches, Rubama, une mesoulia, une responsabilité à l'extérieur, beaucoup de choses, une responsabilité au masjid. Si l'insan vient à fakr, à réfléchir et à s'attarder sur cela, il pensera qu'il ne pourra pas. Et min lutfillahi azza wa jalla annahu il facilite. Et l'exemple qu'il va citer, qu'on va lire ensemble, inshallah, il est clair. Fanaqra. Qala بل قد أعانه الله تعالى عليها ولطف به فيها ولطف له في تسهيل أسبابها وطرقها. وإذا أردت أن تعرف هذا الأمر فانظر إلى حالة المصطفى صلى الله عليه وسلم. Il a cité comme exemple le prophète Muhammad عليه الصلاة والسلام. Il avait une responsabilité énorme. Il avait beaucoup de ashghal. Il avait beaucoup de responsabilités avec ses femmes, avec ses enfants, avec ses compagnons. Il était occupé par beaucoup de choses, omour al-da'wa, avec le jihad. Il montrait la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, il recevait la révélation, il a beaucoup voyagé. Tout ça, lillahi azza wa jal, et Allah subhanahu wa ta'ala wafaqah, il lui a ouvert les portes. Qala, alladhi ba'athahu Allahu bi salahi al-darain wa husuli al-sa'adatain wa ba'athahu mukmilan li nafsihi wa mukmilan li ummatin azimah. هي خير الأمم ومع هذا مكنه الله ببعض عمره الشريف في نحو ثلث عمره أن يقوم بأمر الله. النبي صلى الله عليه وسلم il a vécu 60 ans, un peu plus 60 ans, 63 ans. Il a reçu la révélation à 40 ans. عليه الصلاة والسلام. Donc, si tu divises sa vie en 3 tiers, 20 ans, 20 ans et 20 ans, il a vécu un peu plus. Si on veut faire, on veut partager correctement, 21 ans, 3 tiers. Les deux premiers tiers, c'était pas un Nabi, c'était pas un Rasoul. Il a reçu la révélation à 40 ans. Fata'ammal tout ce qu'il a fait, alayhi sallallahu alayhi sallam, bi'idnillahi azza wa jal, le dernier tiers de sa vie. Un peu plus de 20 ans. Falihada qala alayhi sallallahu alayhi sallam, مكنه الله ببعض عمره الشريف في نحو ثلث عمره le tiers le début de la révélation jusqu'à sa mort عليه الصلاة والسلام أن يقوم بأمر الله كله على كثرته وتنوعه وأن يقيم لأمته جميع دينهم tout ce qui est lié au tawhid, tout ce qui est lié au ahkam, as-salat wa az-zaka ila akhirah, tout ce qui est lié au huquq, les droits des parents, les droits du voisin, les droits des enfants, les droits de l'époux, de l'épouse, ila akhirah, tout ce qui est lié à l'argent, au commerce, tout ce qui est lié au jihad, tout ce que tu étudies l'an fil ilm, des milliers de kutub, des milliers de hadith, des milliers de versets, tout ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a propagé en quelques années. Fal haqiqa, personne aurait pu faire ce qu'il a fait. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a choisi, la yasha Allah. Là où umma minan nas serait rassemblé pour faire un peu, ils n'auraient pas pu. Alors que au départ, il était seul. Thumma Allah subhanahu wa ta'ala nasara, avec son épouse Khadija radiyallahu anha, avec ses compagnons alayhim ridwanullahi subhanahu wa ta'ala. Tout ça, c'est min lutfillah azza wa jal. قال ويعلمهم جميع أصوله وفروعه ويخرج الله به أمة كبيرة من الظلمات إلى النور. Si tu reprends un au début, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a reçu la révélation, في غار حراء, il était seul عليه الصلاة والسلام. ثم, quand il est mort عليه الصلاة والسلام, la umma qu'il a laissée avec le khayrat ila akhir. En quelques années, et تستفيد من هذا أنت. Une faïd azima. Anna ne pense pas que tu ne pourras pas arriver. Ba'dhan nas, ils se mettent des barrières seuls. Annahum, au départ, ils réfléchissent. Ils réfléchissent trop. Il faut réfléchir, lakin pas trop. Et kadhalik, ba'dhan nas, ils réfléchissent trop et ils ne placent pas leur confiance en Allah. Fa, ils baissent les bras. Ils disent, comment je vais faire? J'ai déjà ça à faire, je pourrais pas. Alors que c'est des choses. Là où il tawakkal ala Allah, il place sa confiance en Allah et il demande de tawfiq min Allah, il pourrait. On le voit hada fil ilm. Wa'dhum, ils se mettent des barrières seuls. Je ne peux pas ça, je ne peux pas ça, je ne peux pas aider ce frère, je ne peux pas réviser avec ce frère. Et fil haqiqa, il peut. Tu peux, lakin il faut l'ijtihad. Si tu enlèves un peu de ton sommeil, si tu enlèves un peu de tes sorties, si tu enlèves un peu des choses mubah, tu diminues la nourriture, tu diminues telle chose, tu verras que tu vas prendre une demi-heure là, une heure là, une demi-heure à la fin, ou même 3-4 heures en plus t'as dans la journée. Tu les avais ces heures, lakin dans des choses, tu perdais ton temps. Hakada l'insan yajtahid. Fa Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts. Et Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, a'ana. Qala, min al-dhulumati ila al-nur, wa yahsul bihi min al-masalih, wa al-manafi' wa al-khayr, wa al-sa'ada, lil-khas, wa al-am, ma la taqoum bihi ummatun min al-khalq. L'essentiel, c'est d'avoir une bonne niya. Vous vous rappelez tout à l'heure, l'ihtisab ou l'iman, et encore dans ce passage, l'insan yanoui l'khayr, et l'intention de faire du bien, et tawakkal ala Allah, place ta confiance en Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le latif, n'oublie pas ça. Et il est kérim, et il est rahim. Et si tu veux du bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'ouvrira les portes du bien. Innama l'a'malu bin niyat. Et cette niya, thumma, fais des efforts. Et on verra les passages qu'on va lire bientôt, probablement celui d'après au Mouhim dans ce dors, Inch'Allah ta'ala. Vous verrez que même si tu n'appliques pas, tu es récompensé. C'est min lutfillah. Amma ba'd an-nas, là, ils se mettent des bâtons dans les roues. Yuhrimuna anfusahum min al-al. Au lieu de mettre une bonne niya, dire Inch'Allah, je vais essayer. Mon intention, c'est de faire. Ça ne veut pas dire que tu vas réussir. Lakin, cette intention, cette bonne intention, c'est min lutfillah, tu as une énorme récompense, même si tu l'as pas fait. Amma au départ, baisser les bras, là je peux pas, c'est trop, mais pourquoi vous me dites, il a akhri, hada l'insan yahrum nafsa. Et ça veut pas dire que l'insan, il s'impose au-dessus de ses capacités, là. Là, lakin on parle des choses, fil haqiqa, on peut. Lakin il faut des sacrifices, faire des efforts, et de la patience. Qala al-shaykh rahimahullah, wa min lutfillah ta'ala bi'abdihi, أن يجعل ما يبتليه به من المعاصي سببا لرحمته فيفتح له عند وقوع ذلك باب التوبة والتضرع والابتهال إلى ربه وازدراء نفسه واحتقارها وزوال العجب والكبر من قلبه ما هو خير له من كثير من الطاعات. المعصية سمن لطف الله سل إنسان إلى بلغ هذا إنسان ربما إلى فان بشي. S'il applique ces choses, ce péché, fil haqiqa, ça ne l'a pas rabaissé, belle, ça l'élève. Et min hada nastavid, on n'a pas le droit de critiquer un frère qui a fait un péché, et il applique ces choses, il s'est repenti, et il a tiré de leçons. On n'a pas le droit l'a critiqué. Bel fil haqiqa, ce péché, pour lui, c'était mieux que beaucoup d'adorations. Qawluhu rahimahullah, khayrun lahu min kathir min atta'at. Amma wa'ad al-nas, à cause de leur ignorance ou l'hiqd, ils sont mauvais, iyadam billah. Un frère ou une sœur qui glisse, qui a un problème, une faiblesse de foi, et peut-être que cette personne, elle fait une chose mauvaise, un péché, ils en profitent. Ta'anun, même si cette personne, elle se repent, et elle regrette, oh, ils n'acceptent pas. Ha'oula, iyadam billah. Ils ont le cœur dur, ça c'est min qaswat al-quloub. Amma hadhi al-ma'ani ta'ammal. Cette personne, elle a fait ce péché. Qawluhu, ma yabtali bihi min al-ma'asi. C'est Allah qui a décrété. Hada l'insan, il a fait ce péché. Et c'est lui le responsable, bien sûr. Qala, sababan li rahmatihi. Ce péché, fil haqiqa, ça devient une cause de rahma, de miséricorde pour hada l'ab. Kayf hada? Qala, fayaftah lahu 'inda wuqu' dhalik bab at-tawbah. Donc hada, c'est important, ne pas croire que l'insan, il fait le péché en lui-même, c'est un bien. Là, le péché, ça peut devenir un bien si l'insan, il fait tawbah. Il se repent. At-tawbah, c'est une ibad azima. Il n'aurait pas fait cette tawbah s'il n'aurait pas fait ce péché. Enfin, fil haqiqa, ce péché lui a amené un bien. Ça, c'est min lutfillah. Qala, wa at-tadarru' wa al-ibtihal. Tadarru' fi du'a. Et il a fait ce péché et il regrette. Et il sait qu'il a fauté. Et ça lui ouvre les portes de du'a. Et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il se repent. Et Rabbama, il regrette. Alors que s'il n'aurait pas fait ce péché, toutes ses adorations, il ne les aurait pas faites. ثم قال قال وازدراء نفسه واحتقارها وزوال العجب والكبر. Ce péché, في الحقيقة, ça va éduquer son nefs. Il va savoir أنه il est ضعيف, أنه il est pas à l'abri, أنه il est pas infaillible, أنه il est faible, il est آخر. Et في الحقيقة, ça va lui permettre de s'écarter de l'orgueil. Et بعض الناس, ils font certaines adorations et ça les pousse, iyadam billah, à avoir de l'orgueil et à rabaisser leurs frères qui ont des faiblesses. Cette adoration, fil haqiqa, si hadha l'insan, il fait pas attention, ça peut l'ouvrir une porte vers le kibr, vers un mal. Et fil haqiqa, celui qui est sincère, il a akhiré, inshallah ta'ala, l'adoration, elle apporte que du bien. Lakin hadha, en général, c'est ceux qui ont une mauvaise intention. Mathalan, il fait salat, il fait telle chose et il se montre. Il veut se montrer. Et un autre frère, il a des faiblesses, il a akhiré. Et Kadalik, il se montre en l'humiliant, en le rabaissant. Le haqiqa, toute son adoration, il a akhiré. Il a un problème dans son intention. Amma hadha al-'abd qui regrette, il a akhiré. Le haqiqa, cette ma'asiya, elle lui a ouvert des portes de bien. Nastafid min hadha anna, on ne désespère pas. On ne désespère pas. Là, tu as fait une ma'asiya, c'est fait, c'est passé. Profite-le. Fais tawbah. Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais tawbah, le péché il est effacé. Le péché il est effacé, tu n'auras pas de compte à rendre. Thumma, ça t'ouvre d'autres portes. Tu profites, tu as fait ce péché, donc ne critique pas les autres injustement. Ceux qui font des péchés par faiblesse et ils reconnaissent leur tort. Pourquoi les critiquer? Toi-même tu fais des péchés. Kadalik, ça te montre la modestie. L'orgueil ça sera rien, l'insan il est dhaif. Aujourd'hui tu as de l'orgueil et demain tu fais une faute grave, Allah il te rabaisse. Ça sera rien. On a beaucoup de leçons à tirer. Même de ses péchés, il tire des leçons. Qala wa min lutfihi bi 'abdihi al-habib 'indahu idha malat nafsuhu ma'a shahawati an-nafs ad-dharra wa istarsalat fi dhalik an yunqisuha 'alayhi wa yukaddiruha فلا يكاد يتناول منها شيئا الا مقرورا بالمكدرات. الكدر c'est quelque chose qui est pas clair, c'est quelque chose qui fait du mal, مثلا la saleté, النجاسات, les souillures, ça c'est من الكدر. فقوله اذا مالت نفسه مع الشهوات من لطف الله عز وجل, ان الانسان s'il est attiré par certains péchés, بعض الشهوات, عيادا بالله, ربما الله سبحانه وتعالى il lui enlève le goût de certaines de ses shahawat, même s'il les fait, il trouve plus de plaisir. Et لطف الله سبحانه وتعالى ان الانسان يدلس ces choses. قال فلا يكاد يتناول منها شيئا الا مقرونا بالمكدرات محشوا بالغصص لالا يميل معها كل الميل. وربما cet aliment il peut plus le manger. ربما cette chose son corps la يتحمل. Peut-être qu'il est touché par une maladie. Et من لطف الله عز وجل انه il s'écartera de ces choses لانه c'est un mal. Peut-être qu'il s'est pas rendu compte du mal. من حيث الشرع il va s'en rendre compte par rapport à son corps. Ça c'est من لطف الله عز وجل et ça lui permet de faire التوبة. قال كما ان من لطفه به أن يلذذ له التقربات ويحل له الطاعات ليميل إليها كل الميل. فصم اللطف الله أن هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى lui fait aimer العبادات. Il lui fait aimer de rester au masjid. Il lui fait aimer سبحانه وتعالى d'assister à des cours. Il lui fait aimer العلم. Il lui fait aimer الصلاة, la lecture du Coran. Ça c'est من لطف الله. Pourquoi بعض الناس ils arrivent pas? C'est pour ça que أنت, si Allah t'a facilité, احمد الله. Et écarte-toi de l'orgueil. Bardanès, ils n'arrivent pas à s'asseoir à un cours. Ils ne peuvent pas. لماذا لأن قلبه il est في غفلة. Son cœur, il a durci. Il ne peut pas. أنت من لطف الله عز وجل أنه t'a fait aimer ces choses. Mais si tu viens pas au dars, ربما, tu te sens mal. Ou si tu as une excuse et tu ne peux pas assister, bah, ça te rend triste. Ça, c'est من لطف الله عز وجل. Qui c'est qui a guidé ce cœur? C'est Allah. Et نحن نprofite de هذا أن نشكر الله سبحانه وتعالى. On est reconnaissant envers Allah سبحانه وتعالى et on essaye de faire parvenir ce bien aux autres. أما الكبر et rabaisser les autres بغير حق. أن toi tu viens pas au cours, toi t'es un ignorant, toi tu veux pas faire d'efforts. وعدهم عيادا بالله, ils disent ça avec des sourires, avec de l'ironie, avec de la moquerie. Ça c'est grave. Celui qui fait ça, il connaît pas ses sens qu'on étudie ensemble. Aujourd'hui, tu es à la hal, tu sais pas demain comment tu seras. Fa la patience, rifq avec les autres. On doit tout faire, le bien qu'on connaît ou qu'on apprend, on doit tout faire pour le faire parvenir aux autres. Et on sait que c'est min lutfillah azza wa jalla. Amma celui qui pense que ça vient de lui, ou il oublie ces choses, maroubama, il va prendre les autres de haut, de très haut. Qala rahimahullah. Wa min latif, lutfillah azza wa jalla. ومن لطيف لطف الله بعبده أن يأجره من الأجر أي le récompense على أعمال لم يعملها بل عزم عليها فيعزم على قربة من القرب ثم تنحل عزيمته لسبب من الأسباب فلا يفعلها فيحصل له أجرها. Ça c'est un فضل عظيم. Et ça c'est من لطف الله. Et c'est ce qu'on a cité auparavant. Tu as l'intention de faire cette chose. Tu avais l'intention d'aller dans tel endroit, d'acheter telle chose, d'étudier tel livre, de faire telle adoration, d'aider tel frère. Tu avais vraiment l'intention. Thumma, il y a une chose qui s'interpose entre toi et cette œuvre. Tu peux pas. Imma t'oublies, imma tu tombes malade, imma tu as quelque chose de meilleur à faire. Mouhim, tu ne fais pas cette chose. Cette chose que tu avais l'intention à faire, tu es récompensé. Yom Qiyama, tu la trouveras. Et هذا, on avait cité, on a lu ensemble les adillah dans le chapitre Al-Ikhlas de Riyad al-Salihin, et on avait lu Kalam Shibn al-Uthaymin et Kalam Nafis fi هذا. قال ثم تنحل عزيمته لسبب من الأسباب فلا يفعلها فيحصل له أجرها فانظر كيف لطف الله به فأوقعها في قلبه وأدراها في ضميره وقد علم تعالى أنه لا يفعلها سوقا لبره لعبده وإحسانا وإحسانه بكل طريق. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. Il savait très bien que Hadal Abd, il n'allait pas la faire, cette ibad. Si on prend l'exemple d'une adoration, il savait très bien, Allah azza wa jalla, il sait tout. Lakin, il a facilité à Hadal Abd que l'Abd, il y pense, et il a l'intention, ce serviteur, que pour le récompenser. Alors qu'Allah, il savait très bien qu'il n'allait pas la faire. Ça, c'est min lutfillah. Ça, c'est min lutfillah et azza wa jalla. Et ça nous montre l'importance de niyya et des bonnes intentions. Mais la barre haute. Si tu penses et tu espères et tu as l'intention d'apprendre telle chose, de faire telle chose, même si tu ne les fais pas, tu as une énorme récompense. Laquelle une intention sincère. C'est pas l'insan, il pense à certaines choses et il essaye même pas de les faire. Là, une véritable intention en faisant les causes. Si tu arrives pas, alhamdulillah. Si tu arrives pas, tu es récompensé. Qala wa altaf min dhalik. Et encore plus fort. قال أن يقيض لعبده طاعة أخرى غير التي عزم عليها هي أنفع له منها أي ربما الإنسان إلى من intention de faire une chose et Allah يقدر أنه يفعل une chose de meilleure. قال فيدع العبد الطاعة التي ترضي ربه. نعم هنا سبيلية ترضي ربه. أي نعم هذه النسخة ديفود بعبوية ترضي ربه لطاعة أخرى. نعم mettez les deux points du ya et une dhamma hatta si vous relisez enfin vous lisez correctement. قال فيدع العبد الطاعة التي ترضي ربه لطاعة أخرى هي أرضى لله منها فتحصل له المفعول بالفعل والمعزوم عليها بالنية. Il a les deux récompenses. Il avait l'intention de faire une ibada. Il avait l'intention de faire une adoration. ثم Allah subhanahu wa ta'ala il lui a qadr annahu il a fait une autre adoration. Et il peut pas faire les deux adorations en même temps. Donc il fait l'autre adoration à la place de la première. Vu que la première il avait mis l'intention, il a la récompense des deux alors qu'il en fait qu'une. Ça c'est min lutfillahi azza wa jalla. قال واذا كان من يهاجر الى الله ورسوله ثم يدركه الموت قبل حصول مقصوده قد وقع اجره على الله مع أن قطع الموت بغير اختياره فكيف بمن قطعت عليه نيته الفاضلة طاعة قد عزم على فعلها. Pour bien comprendre la jumla, il faut mettre les harakat هنا. لأن الفعل تأخر dans la jumla. On répète la phrase avec الضبط الصحيح. قال فكيف بمن قطعت عليه نيته الفاضلة طاعة. Donc المعنى فكيف بمن قطع الطاعة عليه نيته إلى آخر. Donc الطاعة c'est le فعل. طاعة c'est le فعل. قطعت c'est quoi qui a coupé, c'est une autre طاعة. فكيف بمن قطعت عليه نيته الفاضلة طاعة قد عزم على فعلها. الآن on peut expliquer si vous avez compris هذا. أن الفاعل c'est الطاعة. Celui qui fait l'hijra il Allah subhanahu wa ta'ala ثم il meurt فقد وقع أجره على الله كما قال عز وجل. Celui qui compte faire l'hijra et il se déplace et il meurt, il n'arrive pas à destination, فقد وقع أجره على الله, il a une énorme récompense. لماذا لأنه il a fait cette ibadah, il n'a pas pu finir, il a été coupé par la mort. C'est quoi qui a coupé son cheminement? C'est la mort. Et في الحقيقة la mort c'est بغير اختيار. هذا قوله قد وقع أجره على الله مع أن قطع الموت بغير اختيار. أن la mort نحن on peut pas repousser, on peut pas avancer. On a voulu faire ce bien, la mort elle nous a coupé dans notre élan. الأجر العظيم. Si الآن واحد c'est quoi qui l'a coupé? C'est une autre adoration, c'est pas la mort. Donc il a mis une autre bonne intention et il fait une autre adoration, ربما meilleure, dans ce même moment. Il ne peut pas faire les deux. فَهَذَا لَا شَكَ أَنَّهُ كَذَلِكَ il a une récompense immense. C'est ça le sens de la parole de الشيخ رحمه الله. قَالَ وَرُبَّمَا دَارَ اللَّهُ فِي ضَمِيرْ عَبْدِهِ عِدَّ الطَّاعَاتِ كُلُّ طَاعَةٍ لَوْ انْفَرَدَتْ لَفَعَلَهَا الْعَبْدِ لِكَمَالْ رَغْبَتِهِ وَلَا يُمْكِنْ فِعْلُ شَيْءٍ مِنْهَا إِلَّا بِتَفْوِيتَ الْأُخْرَى. بِهَذَا الْقَيْدِ tu comprends mieux. Wahid, Rubama, il a l'intention, il veut faire plein d'adorations. Et il a la force, il a l'intention, il veut vraiment les faire. Lakin, quand il veut appliquer, il ne peut en faire qu'une. C'est dans le même moment, il ne peut pas. Tu dois choisir une. Il en fait une, et il est récompensé pour tout le reste. Ça, c'est min lutfillahi azza wa jal. Qala fayuwaffiqahu, ay Allah, lil muwazana baynaha wa ithar afdaliha. Dans ce cas-là, tu choisis la meilleure et tu es récompensé pour les autres. قال فعلا مع رجع حصولها جميعا عزما ونية. Tu es récompensé par rapport au fi'l, à l'action que tu vas faire, bien sûr avec la sincérité et l'akhir. L'insan il est récompensé et tu es récompensé pour les autres adorations par rapport à l'intention. Enfin tu es récompensé pour ton œuvre et pour tes intentions. هذا c'est min fadlillah. قال وألطف من هذا. Encore plus fort, encore meilleur que هذا. أن يقدر تعالى لعبده ويبتليه بوجود أسباب المعصية ويوفر له دواعيها، وهو تعالى يعلم أنه لا يفعلها، ليكون تركه لتلك المعصية التي توفرت أسباب فعلها من أكبر الطاعات. أنه يوفر له أسباب المعصية، أي لكوز بو فيغ بيشيل سو غيونيس. Et ça, c'est min lutf illahi azza wa jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il préserve ce abd. Il ne fait pas cette ma'asiyah. Il s'écarte de ses causes. Le fait de s'écarter de ses causes, de s'écarter de cette ma'asiyah, c'est mieux que beaucoup d'adorations. فَلِهَذَا قَالَ تَرْكُهُ لِتِلْكَ الْمَعْصِيَةِ الَّتِي تَوَفَّرَتْ أَسْبَابُ فِعْلِهَا مِنْ أَكْبَرِ الطَّاعَةِ. Le fait de délaisser ses péchés, ça fait partie des plus grandes adorations. فَانْظُرْ. فَالْحَقَقَ il a pas fait une adoration directement مِنْ صَلَاتْ وَذِكْرِ إِلَىٰ آخِرِ. Lakin il s'écarte de ce péché. وَيُجَهِدْ نَفْسَهُ. Le fait de s'écarter, ça fait partie des plus grandes adorations. Ça, c'est مِنْ لُطْفِ اللَّهِ. Vous avez remarqué que tous ces points, ils sont tous basés sur l'intention. Il y en a, s'il délaisse ce péché, comme on a vu dans l'explication de Riyad Salihin ensemble, وَلِلَّهِ الْحَمْدِ أَنَّهُ il le délaisse لِلَّهِ. Il ne le délaisse pas par peur, ou il n'a pas réussi à le faire. Hada, il n'a pas d'âge. Ben, s'il voulait vraiment le faire et il n'a pas réussi, il est athim, il a commis des péchés. Lakin, hada al-mu'min, il délaisse hada lillah. Le fait de délaisser un péché lillah, c'est une énorme adoration. Et ta'ammal ces exemples qu'il a cités, rahmatullah alayhi. Kama latafa, ay Allah subhanahu wa ta'ala, bi Yusuf alayhi salam, fi murawadati al-mar'a. Al-Murawada, c'est le fait de mekken un nefs pour faire un sou. Aïe, Mra'atul Aziz, elle s'est proposée à Youssouf pour faire Al-Munkar. C'est une ma'asiyah azima, Al-Zina, et les causes, elles étaient réunies. Et Youssouf, s'il n'aurait pas accepté, et il n'a pas accepté, les conséquences, elles allaient être très dures, néfastes pour lui. Et il risquait la prison, et c'est ce qui s'est passé. Ma'ahada, on dure. Ça, c'est min a'adam al-fitan, fitnat al-nisa. Et toutes les causes, elles sont réunies. Elle lui a proposé, ils étaient dans un endroit seul, il a arrêté. Et s'il refusait, il savait ce qu'il risquait. Ma'ahada, il s'est abstenu. Il a eu une récompense énorme. قال عليه رحمة الله وأحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله كما جاء في الحديث أن ست catégories de personnes ils seront sous l'ombre d'Allah سبحانه وتعالى أي une ombre que Allah il a créé يوم القيامة qui créera يوم القيامة رجل parmi ces sept رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. Pourquoi il a délaissé alors que les causes, elles sont réunies. Une femme. Et ta'ammal hadhi al-mar'a dhat mansib wa jamal. Cette femme, elle a un certain rang. Rubbama, elle a de l'argent, elle a des connaissances. Mouhim, l'homme, il pourrait profiter de ces choses-là. Et kadhalik, la beauté. Et l'homme, il est attiré par ces choses. Ma'a hadha, il a refusé. Pourquoi? Qala inni akhafu Allah. C'est le khouf min Allah qu'il a. Qui l'a aidé à ne pas faire هذا المنكر. هذا لا شك أنه c'est من أعظم الطاعات. C'est pour ça que هؤلاء ils auront cette énorme récompense. Ce jour où il n'y aura pas d'ombre, à part cette ombre que Allah y créera, هؤلاء ils seront sous cette ombre. Pourtant, il n'a pas fait de zikr ou de salat. On parle dans ce cas. Il n'a pas été récompensé pour cela. Là, il a été récompensé لماذا لأنه il a délaissé cette ma'asiyah. لا شك أنه أنه للذكر الصلاة إلى آخر العبادات qu'il a fait sera récompensé. Lakin le fait de délaisser ce péché, il y a cette récompense spécifique. لماذا لأنه ça fait partie des plus grandes adorations في الحقيقة. Ça c'est من لطف الله. Tu délaisses un péché, Allah سبحانه وتعالى si tu le délaisses pour lui, il te récompense. قال ومن لطف الله بعبده أن يقدر خيرا وإحسانا من عبده ويجريه على يد عبده الآخر ويجعله طريقا إلى وصوله إلى المستحق فيثيب الله الأول والآخر. أي الله سبحانه وتعالى il récompense les deux. واحد il a été la cause, واحد il l'a fait à la fin. الله سبحانه وتعالى il récompense les deux. قال ومن لطف الله بعبده أن يجري بشيء من ماله شيئا من النفع وخيرا لغيره فيثيبه من حيث لا يحتسب. كذلك ça revient à النية. أن الإنسان بعض الناس يبون profiter de certaines choses qu'il a faites, ça a été lui la cause. On verra l'exemple avec l'ilm et on verra un autre exemple et inshallah avec نعم الغرس. هذا الإنسان هذا العبد il sera récompensé لماذا لأنه il a été la cause de ces choses. Et même si ces choses ça dure très longtemps et les gens ils en profitent, à chaque fois que واحد il profite, il est récompensé. تأمل الأمثلة. Les exemples. قال فمن غرس غرسا أو زرع زرعا فأصابت منه روح من الأرواح المحترمة أو المحترمة شيئا آجر الله صاحبه وهو لا يدري. واحد مثلا il a été la cause, il a planté des arbres. Et ces arbres, ils ont donné des fruits. Et Ba'd al-Muslimin, ils en profitent. Après lui. Robama, il meurt. Et Robama, les gens, ils savent plus que c'est qui a planté ces arbres. Tous ceux qui mangent, il a la récompense. Alors que Houa, au départ, il savait pas. Houa, il a planté cet arbre, ou il a fait cette chose, et il savait pas que. Ben, les animaux qui profitent, il a du ajr. Tous ces oiseaux, toutes ces bêtes qui vont manger, il a la récompense. C'est pour ça que Cheikh Saadi قال روحٌ من الأرواح. C'est pas que pour les êtres humains, روح. Les êtres qui ont des âmes. Et il y a des hadiths dans ce sens. قال وهو لا يدري خصوصا إذا كانت عنده نية حسنة. إذا كانت عنده نية حسنة. خاصة s'il a une bonne intention. Quand il plante ses arbres, on verra l'exemple avec l'ilm, il a niya an Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donne la récompense de tous ceux qui profiteront. Ne pas oublier hadhihi an niya. An Allah azza wa jalla, il nous donne la récompense de tous ceux qui profitent de ce qu'on fait. Fa anta rubbama tamut, ou tu es vivant et tu sais même pas que un tel y profite, tu es récompensé. Khassatan fil ilm. Ça fil haqiqa, ce passage, ça nous motive pour faire des efforts fil ilm wa fil da'wa. قال رحمه الله وعقد مع ربه عقدا في أنه مهما ترتب على ماله شيء من النفع فأسألك يا رب أن تأجرني وتجعله قربة لعندك. تأملوا هذه النية الطيبة أنه هذا المال si on prend l'exemple de ces arbres أن هذا المؤمن إلى هذه النية il demande à Allah subhanahu wa ta'ala أن tous ceux qui profiteront de cette cause cette chose qu'il a fait dont il a été la cause, il espère que Allah il le récompensera. هذا ربما سنين الله أعلم cet arbre, الله أعلم ce علم. Combien de temps les gens ils vont profiter? 10 ans, 1000 ans? ما ندري. Allah سبحانه وتعالى lui donnera la récompense. قال وكذلك لو كان له بهائم انتفع بدرها وركوبها والحمل عليها أو مساكن انتفع بسكناها ولو شيئا قليلا أو معون معونة يند ونحوه انتفع به أو عين شرب منها. Tout ça c'est des exemples. Ça peut être des logements, ça peut être un puits qu'il a creusé, ça peut être une aide. Il a mis à disposition de ses frères. Tant que les gens y profitent, il a des récompenses. Ce qu'on appelle الصدقة الجارية. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. Et parmi ces une de ces trois choses, صدقة جارية. جارية أي تجري. C'est comme l'eau qui coule. أي الأجر يجري. Ça s'arrête pas. Tant que هذا الشيء ينفع. Tant que cette chose elle est utile, il est dans sa tombe et il a les récompenses. قال أو عين شرب منها وغير ذلك ككتاب انتفع به في تعلم الشيء منها أو مصحف قرئ فيه والله ذو الفضل العظيم. تأمل ces deux exemples. ككتاب انتفع به. On revient au درس précédent. Cheikh al-Islam ou Cheikh Saadi l'avait cité comme exemple Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il est mort il y a à peu près 700 ans. Aqal ou akthar. On va dire à peu près 700 ans qu'il est mort rahimahullah. Tous les livres qui sont propagés, qui sont imprimés, qui sont édités, qui sont lus, qui sont enseignés, qui sont appris par cœur. Prends que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Kam min ujur. Ces livres, rahimahullah, la plupart, il les a écrits en prison, dans sa cellule. Ou beaucoup de ces livres. Peut-être que, il ne savait pas, il ne pensait pas que ces livres, ils allaient avoir autant d'importance dans la Ummah. Comme il en a un. Encore plus fort que هذا, si tu prends l'exemple de Sahih al-Bukhari. Ce livre qu'il a écrit, rahmatullah alayhi, c'est devenu la référence fil hadith. C'est As-Sahh al-Kutub al-Musannafa. C'est le livre le plus authentique qu'un être humain de cette umma il a écrit. Sahih al-Bukhari. Tous les jours, des dizaines, centaines, milliers, millions de fois, Allahu a'lam, des muslimouni, ils disent, qala l'imam al-Bukhari, rahimahullah. À chaque fois que tu lis As-Sahih, Sahih al-Bukhari, il a des récompenses. Et ta'ammal les hadiths de Sahih al-Bukhari, tu les trouves dans d'autres kutub, là, chaque. Tous les livres maintenant, obligatoirement, si c'est un livre de sunnah, il y a des hadiths de Sahih al-Bukhari. Enfin, ce livre, fait le haqiqa, l'imam Bukhari en profite. Maintenant, ce livre, il y a des hadiths de Sahih al-Bukhari. L'imam Bukhari en profite. L'imam al-Yannahu, c'est lui qui a compilé le hadith. Et l'autre shir, il a profité de lui. Donc, al-Ajr, il revient aussi à l'imam Bukhari. On prend l'exemple de l'auteur, shir Sa'di, rahimahullah. Combien de muslimoun, un, y profitent? Son tafsir, son kalam fi sharh al-asma' al-husna, minhaj al-salikin. Combien de livres, toutes les rasail qu'on a étudiés de lui ensemble? Il a l'ajr, rahmatullah alayh. Testavid min hada, anna, fais des efforts. Fais des efforts et ta niya, ça doit être hada. Ta niya, c'est que tu prépares quelque chose pour l'akhira. Kamil al-nas, ils préparent l'an pour dunya. Ils font des projets, ba'dhum, ils pensent à leurs enfants. Hada, c'est tayyib, lakin sans exagérer. Tes enfants, c'est Allah subhanahu wa ta'ala al-Razzaq. Comme toi, il t'a donné, il donnera à tes enfants. Et là, ben, celui qui leur prépare quelque chose, il leur achète un appartement, il leur achète une maison, un terrain. Alhamdulillah, tant que c'est dans le halal. A'zamu min dhalik, prépare al-akhirah. Prépare quelque chose que tu vas laisser. Tu laisses un dars. Un dars. Allah alam, combien de gens ils vont écouter? Une muhadara, tu expliques un kitab. Combien de gens ils vont écouter? Un tatoué chez toi, tu ne sais même pas. Qui c'est qui écoute, qui c'est qui profite, et tu as l'âge, et tu es vivant. Et quand tu meurs, tant que les dors aussi ils sont propagés, tu profiteras. Une traduction que tu veux, une traduction, jamila nafi'a, et les gens, ils profitent, et anta, alhamdulillah, tu as l'âge. Ah, là, ça pousse à faire da'wa. Lakin, comme on répète souvent, on fait da'wa avec ce qu'on connaît. L'insan, مثلاً, il entend Adel Kalam, ça le motive et il rentre dans des choses qu'il ne maîtrise pas, il veut propager que pour avoir la récompense. Là, celui qui propage, بغير علم, et ce qu'il propage, ça fait du mal. فهكذا العكس. أنه ربما, si ça égare des gens ou si c'est des mauvaises choses, il est dans sa tombe et السيئات, les péchés lui parviennent. عيادا بالله. فعلى كل حال, on fait des efforts في العلم. Et كذلك, on n'oublie pas l'autre janib, الصدقة الجارية. Tu as creusé un puits, tu as aidé un orphelin, tu as mohim, tu fais des efforts. Et l'insan, tant qu'il profite de l'aide que tu lui as donnée, bi'idhnillah azza wa jal, tu es récompensé. Enfin, on néglige pas. As-sadaqa al-jariya min hayth tout ce qui est profitable fi ad-dunya. On peut donner exemple d'un puits. Et on n'oublie pas as-sadaqa al-jariya, elle est anfa', elle est a'zam. Aïe, ce qui va profiter au cœur. Et as-sadaqa al-jariya, imma elle profite au corps. مثلا واحد يلس ان اوبيتال واحد يلس يلس ان بوي واحد يلس ما ادري دي شوز كي بروفيت اوز اوتر بار رابور او كور اي الصدقه الجاريه الاعظم سي سكي بروفيت او كور شيخ سعدي لا سي ان اكزومبل مصحف تو دون ا ان فرير ان كادو ان مصحف ربما تو فالو دوني سو مصحف اي سي دون سو مصحف كي فا بروند لو قران بار كور كومبيان دو فوا يل فالو لير اون دي فا بروند لو قران ان 2 ans بار كور تو لي جور. Combien de fois chaque lettre dit Hassan? Celui qui lit et qui apprend par cœur, il a cette récompense. C'est lui qui lit. Anta, tu lui as offert le mushaf et tu as des récompenses. Les 2 ans qu'il lit, qu'il apprend dans ton mushaf, tu es récompensé. 2 ans de lecture du Coran, c'est pas quelque chose à négliger. Mabalouk, tu lui as offert un livre. Mabalouk, tu lui as offert un billet d'avion. Mabalouk, pour, Ujur Azim. Hein, avec quoi on enregistre? Les Walil Alham, c'est des frères qui ont participé. Chaque fois qu'un tarsi il est enregistré, le frère qui a participé, il est ma'jour. L'imam Ali Anas, c'est une sadaqa jariya. Chaque fois ça s'enregistre et c'est une cause pour propager ad-da'wa. Le premier dictaphone, c'est un frère, Rubama, qui a yatawqa. Dès qu'on avait commencé à enregistrer les doulous, la première fois c'était avec un dictaphone, il n'était pas terrible. Thomas, un frère, il s'est rendu compte que ça marchait mal et il a offert un dictaphone. C'est le dernier, c'était avant celui-là, avant de le remplacer. Hada. Hada, walillahi alhamd, il a enregistré 10 ans de durus, hada. Hada, c'est à peu près de 2010 à 2020, avant hada. Le frère qui l'a offert, maïdri. Hada, wallahu alam, c'est plus de 1000 durus. Et le frère, ouais, il savait pas, il l'a offert à hada, quelques euros. تأمل أنت تولي لي الملي دو دروس كي تنغشستخي سي في ميزان حسناته سي الآلة اللوتي سي لوي انظروا أحيانا نحن ونفي با أتنسيون الإنسان يوم القيامة يتخوى هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق قال ومن لطف الله بعبده ينفني هذاك هذا أن يفتح له بابا من أبواب الخير لم يكن له على بال وليس ذلك لقلة رغبته فيه وإنما هو غفلة منه وذهول عن ذلك الطريق فلم يشعر إلا وقد وجد في قلبه الداعي إليه والملفت إليه ومن لطف الله بعبده أن يفتح له بابا من أبواب الخير لم يكن له على بال وليس ذلك لقلة رغبته فيه وإنما هو غفلة منه وذهول هذا صعيب أن أحيانا tu fais pas tel bien. On vient de donner certains exemples. En ahiyana, on ne les fait pas parce qu'on n'aime pas le mal. Là, il y en a, tu oublies. On est des êtres humains. Et là, chacun, on oublie tous. On ne fait pas tout le bien qu'on pourrait faire. Ahiyana, des choses simples, on pourrait faire, on ne les fait pas. Pourquoi on est des êtres humains? Lakin, on zura ni'ma. Qala wa zuhul an dhalika tariq. Falam yashur illa wa qad wajada fi qalbihi da'i ilay. Ahiyana, hakada. Ça vient dans ton cœur, tu penses. Ah, si je ferais ça. Ah, si... j'accomplirai ça, si j'irai là pour faire ce khayr, هذه الإرادة qui est dans ton cœur, cette volonté, c'est min lutfillah, azza wa jal. Et ahyanan, Allah subhanahu wa ta'ala, yuwaffiq wahed qui te rappelle, qui te conseille, qui te montre. Anta, tu oublies. Et il te dit, matalan, telle chose, et anta, ça rentre dans ton cœur, et t'en profites, tu le fais. Ça, c'est min lutfillah, azza wa jal. Lakin, huna, c'est bien précis, anna min lutfillah, azza wa jal, anna dans ton cœur. Hakada, tu te réveilles un matin, tu penses à telle chose, je ne la fais pas et tu la fais. Ça, c'est min. L'autre fihi, jalla wa ala. Qala, falam yach'ur illa wa qad wajada fi qalbihi da'i ilayhi wal mulfit ilayhi. Fa fariha bithalik wa arafa annaha min altaf sayyidihi. Naam. Hada al qalb al dhakir al hay. Ce cœur, un vivant qui se rappelle ce bien. Quand il se rappelle du bien, il se rappelle kadalik celui qui lui a fait rappeler ce bien. Annahu c'est min lutfillah. On ne doit pas être négligent. Et هذا, ce rappel, ça doit avoir un autre fruit, comme conséquence un autre fruit, al-shukr. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala m'a facilité, je me suis rappelé. Comme les gens, ils sont en ghafla. La sadaqa jariya, la fi mal, la fi ilm, la fi shay. Ils pensent qu'à manger, yadam billah, qu'à profiter. Et ba'dhum, Allah subhanahu wa ta'ala wafaqahum, ils ne font pas de khayr. Bel, cet argent, ils se font même du mal à eux-mêmes. Et en alhamdulillah, tu... certaines choses très simples, Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité, tu te rappelles. Ça, c'est min lutfihi. Qala, wa arafa annaha min altaf sayyidihi wa turuqihi allati qayyada wusulaha ilayhi fasarafa laha dhamira wa wajjaha ilayha fikra wa adraka minha ma sha Allah. Non. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui lui a facilité. Al-dhamir, c'est ton intérieur. Ton intérieur. Qui c'est qui t'a facilité à penser à cela? Wa wajjaha ilayhi fikra. Al fikr, c'est la pensée, kadalik. Enfin, qui c'est qui t'a permis tout cela? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, chacun a l'insan, il oublie. Lakin, alhamdulillah, il fait des efforts et on retient de tout cela l'importance de niya et l'importance de faire du bien. Hakada, notre vie, ça doit être basé sur hada, une bonne intention. Et toujours vouloir faire le bien. On fait attention à la routine. Ahiyana, nous, on a un rythme. Mathalan, tu fais le fajr, après tu fais l'adhkar, après celui qui travaille, celui qui te lobe l'ilm. Mais on reste dans ça. Et ahiyana, on est bloqué. Et ça devient une routine. Là, d'ailleurs, il pense à faire du khayr. Quand tu vas au masjid, il y a plein de moyens de faire du khayr. Passer le salam, être souriant, aider foulan, l'amr bil ma'ruf, al-nahi al-munkar. Quand tu es chez toi, il y a plein de moyens de faire du khayr. Avec ton téléphone, il y a beaucoup de moyens de faire du khayr. Prendre des nouvelles d'un tel, une nasiha, un rappel, envoyer un cours. Quand tu es assis à dhikr, il y a beaucoup de moyens. Ne pas rester d'aïman au même niveau. L'iman yazid wa yanqus. Si tu ne fais pas des efforts pour augmenter, tu diminueras. Ça n'existe pas neutre. L'iman, imma il est fi ziyada, imma il est fi nuqsan. Ça n'existe pas, iman stable. Il montre avec ta'a, avec dhikr, avec tout ce qu'on a cité, walillahi alhamd, et il descend avec le contraire. On doit faire attention. Et là, chacun, on est des êtres humains. Il y en a l'iman, il descend, lequel on le fait remonter. Et là, c'est ce qu'on appelle jihad al-nafs. On fait tout pour mourir. Et l'iman, il est le plus haut possible. هذا ما يتعلق بهذا الاسم العظيم اسم اللطيف. Et هنا vous avez remarqué que le مؤلف du kitab, celui qui a rassemblé les paroles de Cheikh Saadi Tawassa, il a cité les paroles de Cheikh Saadi de هذا الكتاب العظيم المواهب الربانية من الآيات القرآنية. Et à la كل حال, c'est une risala jamila. Si on peut un jour on la lira, elle est tayyiba jiddan. Ça fait partie de la sa'il que Cheikh Saadi a écrit sur, par rapport au Coran. Il a choisi certains passages, certains versets, il les explique. Al-Mawahib al-Rabbaniya de Cheikh Saadi, c'est une risala nafisa jiddan. Et tu as un exemple, là, et tu comprends pourquoi Al-Mu'allif, par rapport à Ism Latif, il a cité. Il y en a, c'est des ma'ani jamila, il aurait pu citer certains, lakin la'allahu. Il s'est aperçu, il a vu que c'était un kalam tayyib, et il l'a cité entier. Et stafadna walillahi alhamd. On a mis combien de temps pour Al-Latif? 3 cours. Naam, 2 cours aujourd'hui et le cours de dimanche. Alhamdulillah. Et ma'ahada, on a bien avancé dans le livre. Ma baqiya al-an, c'est très très court. Rabbama, il reste 10 pages. On essaiera de finir, si on peut pas la semaine prochaine, celle d'après. Inch'Allah. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala min fadlih. Et beaucoup de noms, ou certains noms qu'on va voir, on les a déjà vus. Il y en a, plus on avance, plus les noms, on les a vus. Donc, certains noms qu'on a déjà vus, ça ira assez vite. Comme Al-Matin, par exemple, on l'a vu avec le Qawi. Comme Al-Mani, on l'a déjà vu. Al-Muhit, on en a parlé. Ben, on l'a vu avec certains noms. Wahakada. Al-Malik, on l'a vu. Et d'autres noms, on n'a pas vu et on essaiera de donner du temps. Ka'isma al-Nur, on verra al-Hadi, est-ce qu'il est tabit, al-Wadud. Falhamdulillah. L'essentiel, c'est al-Istimra. Et l'essentiel, c'est de donner du temps à ce genre de sujet. Et ça, c'est min lotfillah azza wa jal. Anna fi hadha al-bilad, et entre nous, on arrive à lire, à étudier un livre sur les noms d'Allah, sur l'explication des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est min a'zam lutfillahi azza wa jal bina. Wallahi, si on nous aurait donné des millions à la place, des maisons, des voitures, ce que tu veux, min dunya, ça serait pas l'équivalent de cette ni'ma. Bel, ça vaudrait rien par rapport à hadhihi an-ni'ma fa nashkuru Allah subhanahu wa ta'ala. Man 'indahu shay yatafaddal aw naktafi bi hadha. Le prochain dars, inshallah, jeudi.